Chapitre 22e. Le cœur parti, l'âme s'envole. Quand Paulin Broquet, après cette nuit mouvementée, rentra chez lui au petit jour, il trouva, roulé dans une couverture, dormant sur le tapis de son cabinet de travail, l'ancien clown Simon, qui attendait, selon la consigne, le retour de son chef. « Eh bien, lui demanda Paulin Broquet, ton ami, le comte de la Guérinière. « Eh bien, chef, nous avons comme toujours passé la soirée, sinon ensemble, du moins à côté. » « Ah, au Lutetia. Oui, chef. Lucette Minois était plus charmante encore. »« Je ne te demande pas des détails sur tes amours pour Lucette Minois. »« Mais, chef, je n'en parle pas du tout. Parle-moi seulement de ton La Guérinière. » »« Il était dans sa loge avec ses amis. »« Le baron Dupont ? Non, pas hier soir. » »« Le baron Dupont a dîné au cercle. Il a fait une courte apparition au théâtre et il a disparu. »« Bon. Et ton La Guérinière est restée ? Oui, chef. Après le spectacle, qu'est-ce qu'il a fait ?» Il est allé souper avec Lucette Minois, d'autres artistes de Lutetia et les amis habituels. « Ah, tu es sûr de cela ?»« Absolument, chef. » »« Tu as suivi le comte jusque chez lui ?»« Et j'ai surveillé son petit hôtel assez longtemps dans la nuit. » »« Après moi, un homme à nous, François, me remplaça. »« François surveillera le comte toute la matinée, le suivra, et vous fera vers midi son rapport. »« Bon. » Paulin Broquet alors s'écria. « Mon bon Simon. » »« Je me demande si dans cette mission de surveillance dont je t'ai chargé... » Tu n'es pas simplement captivé par Lucette Minois. » Le clown sursauta, son nez en trompette frétilla, et sa bouche en demi-lune s'ouvrit en rond parfait. Dans la surprise de s'entendre faire cette observation, il ne trouva pas un mot à répondre pour sa défense. « Tu m'affirmes avoir bien vu, suivi, tenu à l'œil, le comte de la Guérinière. »« Oui, oui !» fit de la tête le clown Simon, et il étendit la main pour jurer qu'il disait vrai. « Parfait. Mais pendant que tu regardais surtout Lucette Minois, moi, tu entends, à la même heure, je faisais de mon côté, quai de la Loire, je faisais au comte de la Guérinière ce que tu voudrais bien faire à ta chère Lucette Minois. Je le tenais dans mes bras. Je le serrais. Et fort, je t'en réponds. Le comte ? Oui. Et je ne pouvais pas me tromper, moi, car je l'ai décolleté. Un peu plus que ne l'est Lucette Minois en scène. Et j'ai vu le grain de beauté plus grand que celui que tu admiras à l'épaule de ta Lucette Minois, ce grain de beauté, large comme les deux mains, que j'ai imprimé moi-même à la poitrine du comte de la Guérinière. » Cette fois, le clown Simon ne se contenta pas d'ouvrir la bouche, de faire trémousser son nez en trompette. Il roula ses yeux en boule. La gorge étranglée, il finit par dire « Cependant, chef, je suis sûr de mon La Guérinière. Moi, du mien également. Mais alors, chef, c'est qu'il y a deux comtes. Deux. Et un qui a été brûlé chez le baron Vancambre. Ça ferait trois. Trois ? Avoue que c'est beaucoup de La Guérinière. Alors, c'est à n'y rien comprendre. En effet, ne cherche pas à débrouiller ce mystère. Va te coucher. » Le clown Simon sortirait très perplexe. Paulin Broquet le rappela. « À propos, et ton rival ? » ?»« Quel rival ? » ?»« Cet autre amoureux de Lucette Minois. » »« Lequel ? » ?»« Je sais qu'il y en a plusieurs. Je parle de l'usinier du Nord, du sucrier. » »« La betterave ? » ?»« Oui. Qu'est-ce qu'il devient ? » ?»« On ne sait pas, chef. Voilà plusieurs jours qu'on l'a aperçu à Lutetia. » Bon. Désormais, tu surveilleras aussi la betterave. » Oui, chef. Le clown Simon alla se coucher de plus en plus perplexe. Paulin Broquet, lui, sortira dans son cabinet de toilette. Il prit une douche, puis il alla se mettre au lit pour goûter quelques heures de repos, dont, après tant d'événements, une telle dépense de force, il avait grand besoin. Quelques heures après, comme il allait se mettre à table, son valet de chambre lui présenta la carte d'un visiteur qui demandait à être reçu immédiatement pour une communication importante. C'était le premier clerc de Maître Béjanet, notaire. Cette carte causa, à vrai dire, une fort grande surprise à Paulin Broquet. Il reçut immédiatement le clerc de Maître Béjanet. Que pouvait lui vouloir le notaire Maître Béjanet, qui avait été mêlé de si étranges façons au drame de la banque Montreuil, à la mort du banquier ? Paulin Broquet, selon son habitude, ne s'attarda pas à se poser des questions qu'il ne pouvait résoudre. Il préféra avoir aussitôt la raison de cette singulière visite en écoutant le clerc de notaire. « Maître Béjanet, lui dit celui-ci, m'envoie près de vous pour une affaire des plus inattendues, des plus curieuses, comme on n'en traite pas d'ordinaire dans les études de notaire, mais qui n'est pas toutefois incompatible avec les attributions et ne dépasse pas le caractère d'un officier ministériel. Je vous écoute. Voici. Maître Béjanet vient de recevoir un mandat, avec les fonds devant y faire face, pour l'acquisition d'une sépulture à perpétuité dans un des cimetières parisiens dont le choix est laissé à sa décision. Bien, monsieur. Ensuite, dans ce mandat, on engage maître Béjanet à vous consulter avant de fixer son choix. Me consulter, moi. Parfaitement, vous, monsieur Paulin Broquet. Dans quel but? Parce que c'est à vous qu'on doit réclamer, ou plutôt, par votre entremise, que maître Béjanet en prendra possession, le corps de la personne à inhumer dans cette tombe. Paulin Broquet commençait à être fort intrigué. Car, reprit gravement le clerc de notaire, car vous, monsieur Paulin Broquet, savez où est ce corps? Un corps de femme? Non, un corps d'homme. Quel homme? Avez-vous son nom? Nous ne l'avons pas. On ne nous l'a pas donné. Alors comment pourrais-je? Mais dans le mandat, on donne à maître Béjanet le surnom, qui permettra, paraît-il, de découvrir le corps dont il s'agit. Ce surnom? La terreur d'Ornano. Paulin Broquet ne put s'empêcher de tressaillir. En effet, ce nom est suffisant pour savoir de qui il s'agit. Maître Béjanet l'espérait. Ce surnommé la terreur d'Ornano a péri, paraît-il, hier soir. Ce mandat ne nous dit pas de quelle façon, mais il importe peu, pourvu que ce décès soit légalement constaté. Parfaitement. Maître Béjanet vous demandera de faire vous-même la reconnaissance du corps de la terreur et de nous en donner acte, de désigner le cimetière où il sera inhumé et de fixer le jour où ce corps pourra être retiré de la morgue, où il a été transporté pour l'action judiciaire, afin que l'étude, ayant été dûment couverte de ses frais, puisse faire dire sur le corps de ce malheureux susdit la terreur d'Ornano des prières d'usage pour les défunts et procéder, selon la règle habituelle, à son enterrement. Paulin Broquet demanda « Pouvez-vous me dire le nom de la personne qui a donné ce mandat à l'étude Béjanet ?»« Rien, juridiquement, ne s'y opposerait. Le secret professionnel, en ce cas, ne peut être invoqué, mais il nous est absolument impossible de le faire. Pourquoi ?»« Le mandat nous a été signifié par maître Grillard, huissier, qui nous a remis les fonds. Or, maître Grillard, huissier, n'a pas cru devoir refuser par émission d'un caractère spécial, alors même que la personne qui l'en chargeait désirait garder l'anonyme. Ce qui, en pareil cas, aucun dossier ne devant être constitué que par les reçus attestant l'emploi des fonds avancés, est parfaitement acceptable. Maître Béjanet, au surplus, est couvert par l'intervention de maître Grillard, huissier. Le tout est régulier et conforme à la jurisprudence et comporte même quelques exemples d'antécédents. Paulin Broquet répondit. Veuillez donc dire à maître Béjanet que me conformant comme lui à ce mandat, je ferai de mon côté tout ce qui rentrera dans mes attributions pour en faciliter l'exécution. » Le clerc de notaire s'inclina. « Mais, ajouta-t-il, j'allais vous avertir que dans l'attribution des fonds envoyés, il n'est pas question d'un prélèvement à vous destiné. Il n'y a aucune provision à votre nom. » « Oui, fit le détective. Oui, il ne pouvait y en avoir. » « Vous ne retirez pas votre concours malgré cela? Au contraire. » Le clerc de notaire tourna des yeux effarés vers cet homme qui s'employait sans recevoir de provision. Cela lui parut fantastique, invraisemblable. Cela déroutait toutes ses notions de jurisprudence, de basoche, de loi. Car la base de la loi, c'est les provisions. Il sortira peu après, se disant dans l'escalier où il retrouva ses esprits. Cet homme avait bien eu raison de se mettre dans la police. Il aurait fait un fort mauvais notaire. Quelques jours après, Paulin Broquet, ayant simplifié toutes les démarches, ont procédé à l'enterrement de la terreur d'Ornano. Dans un fiacre venait le clerc de notaire qui remplissait le mandat dont l'étude se chargeait et allait au cimetière demander les dernières signatures, mais à pied, derrière le corbillard qui renfermait le corps mutilé du malheureux la terreur d'Ornano, derrière ce pauvre diable qui dans son heure de rachat était mort bravement pour sauver un homme de Paulin Broquet, derrière le cercueil du bandit, bon, loyal et aimant, venaient à pied le détective et ses deux lieutenants. Sur ce cercueil, il y avait trois couronnes, l'une offerte par Paulin Broquet, l'autre par ses lieutenants, ces hommes qui avaient pris part à l'affaire du hangar. La troisième était en fleurs naturelles, en fleurs des champs, des fleurs simples. Elle était énorme, superbe. Un large ruban de soie moirée de couleur cuivre l'entourait. Au vent, le ruban flottait, donnant avec ses reflets roux l'illusion d'une longue et souple natte de cheveux d'or. Les cheveux de la femme rousse. La femme rousse, que la terreur d'Ornano aimait tant. Pauvre garçon !